Je sais pas où je vais, mais je m'en fous, j'y suis déjà. Quand j'avancerai, je suis là où je suis. Ça veut rien dire, mec, mais je m'en fous, je dis ce que je veux. Avec ma bouche le U. Je parle à l'envers, je parle à l'envers, je parle à l'envers. Si tu marches à l'envers, tu vas comprendre tout ce que je dis. Je fais du pédalo. Je fais du pédalo dans le ciel. Je m'envolerai même sans elle. Y'a pas de problème. Je m'envole même sans elle. Même sans elle. Je me casserai loin, très très loin, très loin dans l'espace. Y'a plus aucune trace qui flotte en l'air. Y'a plus que moi ici en fait, en l'air. Répète toujours avec ton putain d'accent canard. Quoi, quoi. Je fais me displace, ah la li la lou. Non mais ça c'est trop répété. C'est trop répété. Ce qu'il faut c'est...